Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici convié au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche et appréhender les mutations de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quel est l'appel à la désobéissance du journaliste républicain Armand Carrel? Comment la loi de 1822 qui punit la mauvaise foi est-elle utilisée contre Carrel et son journal indépendant Le National par la monarchie de Juillet? Demande Antoine Compagnon. Comment le talentueux journaliste envoyé en prison réussit-il l'exploit de donner un grand discours devant la Chambre des Pairs? Nous retrouvons aujourd'hui encore Armand Carrel, à la fois le courage et le talent du National, selon les mots de Chateaubriand, au sommet de sa gloire, quand les procès se multiplient à partir de 1832 pour délit de presse. Antoine Compagnon, titulaire de la chaire Littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, nous inscrit dans une vaste fresque historique et journalistique dans le premier tiers du XIXe siècle dans le cadre de sa série « De la littérature comme sport de combat » initiée en 2017. Antoine Compagnon avait rappelé dans les cours précédents consacrés à la figure du lieutenant journaliste une déclaration d'Armand Carrel dans l'un de ses procès en 1832 qui embrassait son itinéraire politique et je cite « Repoussé par la restauration d'une carrière de choix et dans laquelle j'avais cru trouver les occasions de servir mon pays, j'ai laissé l'épée et pris la plume. Quand il n'y avait plus que cette arme pour combattre la restauration, je me suis mise à dévorer les livres pour y trouver des arguments contre elle, et si l'indignation ne m'a pas fait poète, elle m'a fait écrivain laborieux. La Révolution de Juillet m'a trouvé journaliste et laissé journaliste. » Son texte le plus violent, Carrel le réserve à la Chambre des Pairs, qui est devenue juge et partie dans la lutte entre le pouvoir et la presse d'opposition. Le tribun, qui a abandonné la monarchie de Juillet en 1832 pour devenir fer de lance de l'opposition républicaine, prônant une république d'ordre qui pourrait rendre à la France, je cite, « la paix, l'honneur et la liberté », livre bataille, se défend lui-même et gagne ses procès avant d'être emprisonné en août 1834 à Sainte-Pélagie, où l'attend son moment d'apothéose. Et nous gagnons le Collège de France les 6 et 13 février 2018 pour le cours d'Antoine Compagnon, aujourd'hui, le moment de gloire d'Armand Carrel. Carrel est donc au sommet de sa carrière dans ces années 1832, 1833, 1834. J'avais montré la semaine précédente les nombreuses images, tableaux, sculptures qui le représentent dans ces années comme chef de l'opposition. Mais c'est tant que règne la liberté de la presse. Et le National est poursuivi. Les procès se multiplient à partir de 1832 et la guerre est menée contre la Tribune, le National, les journaux d'opposition, par le procureur général près la Cour royale de Paris, le procureur Persil, ici représenté par Daumier dans sa galerie des personnages de la monarchie juillet. Mais Carrel est heureux parce que tous les procès pour délit de presse au début de la monarchie de juillet sont portés devant les cours d'assises et devant les jurys. C'est l'article premier de la loi du 8 octobre 1830 qui attribue la connaissance des délits de presse aux cours d'assises et c'est Carrel qui le plus souvent se défend lui-même avec cette modération abominable et il est systématiquement acquitté. Les jurys d'assises l'acquittent de tous ses délits de presse en 1831-1832. L'une de ses premières attaques contre le régime, attaque judiciaire, puisque cette guerre est aussi une guerre judiciaire, c'est en janvier 1832, lorsque le ministère de Casimir Périer se met à pratiquer l'arrestation préventive en cas de délit de presse. Donc, en cas de délit de presse, les gérants, les journalistes sont non seulement poursuivis en cour d'assises, mais arrêtés préventivement. Et Carrel se lance dans un défi au ministère, dans un article de janvier 1832, dans un article qui est signé, alors que les articles politiques ne sont pas signés, article dont voici la chute. Le mandat de dépôt, donc des journalistes arrêtés pour délit de presse, sous le prétexte de flagrant délit, ne peut être décerné légalement contre les écrivains de la presse périodique, et tout écrivain pénétré de sa dignité de citoyen opposera la loi à l'illégalité et la force à la force. C'est un devoir, advienne que pourra. Il s'agit donc de dénier qu'un journaliste puisse commettre un flagrant délit. Et Carrel fait valoir qu'il n'y aurait de flagrant délit que si, dans l'article de la presse, on donnait un lieu de rendez-vous pour une insurrection ou pour un attentat. Et, dit-il, il ne peut pas y avoir de flagrant délit dans la presse, faute de cette immédiateté de la convocation. C'est donc un appel à la désobéissance. Et devant le jury d'assises, il plaide lui-même, et voici ce qu'il dit, notamment. Bien sûr, tout ça est immédiatement publié, puisque l'opposition se fait par ses brochures qui publient les comptes rendus des procès. Votre arrêt, messieurs, quel qu'il soit, est destiné à un vaste retentissement. Partout où la liberté de la presse existe, ou bien plus encore dans les lieux où on la désire, on s'est occupé de cette cause. Si vous reconnaissez avec moi que la résistance des écrivains de la presse périodique à l'incarcération préventive est légale, vous rendrez à la presse sa plus indispensable garantie et au jury, c'est-à-dire au pays, la censure exclusive de la presse, le sceptre de la publicité. Croyez, messieurs, que le plus grand service que nous puissions rendre aujourd'hui à notre France, tourmentée qu'elle est par cette sève d'activités et de grandes choses qui surabondent, c'est de fonder l'alliance indissoluble de la presse et du jury. Donc le délit de presse sanctionné par un jury d'assises. J'ai cru travailler à cette union en faisant appel à votre équité, à votre courage dans la grande question de liberté individuelle et de liberté de la presse que, de son côté, le ministère public vous appelle à résoudre. À la suite de ce procès, comme à chaque fois en procès d'assises, Carrel l'emporte. Il est acquitté à l'unanimité pour cet article qui appelait à résister aux forces de l'ordre. Et la brochure suit aussitôt. Elle est publiée à la fin de mars. Bon, nouveau procès 3 mois plus tard, à la suite des insurrections de juin 1832. Le National est poursuivi comme complice ayant appelé à l'insurrection. Non seulement il est poursuivi devant la cour d'assises, mais d'abord devant le conseil de guerre, parce que l'état de siège a été déclaré. Toutefois, lors du procès devant la cour d'assises, le procureur Persil perd encore et Carrel est acquitté. C'est à ce moment-là que le pouvoir décide de changer de pied. Puisque Carrel est toujours acquitté par les jurys d'assises, il faut trouver un moyen de le condamner. Et le moyen, c'est une loi répressive de la Restauration qui reste en vigueur sous la monarchie de Juillet. C'est une loi de 1822 qui punit l'infidélité et la mauvaise foi dans le compte que rendent les journaux des séances des chambres et des audiences des cours et tribunaux. Donc, ils seront sanctionnés pour mauvaise foi dans les comptes rendus des procès. Et non seulement cette loi prévoyait qu'on pouvait être puni pour infidélité et mauvaise foi dans les comptes rendus de la Chambre et des tribunaux, mais, selon un autre article de cette même loi, c'était les cours elles-mêmes qui étaient compétentes pour juger les prévenus d'infidélité. Les chambres appliqueront elles-mêmes les dispositions relatives aux comptes rendus par les journaux de leur séance, les dispositions du même article relatives aux comptes rendus des audiences des cours et tribunaux seront appliquées directement par les cours et tribunaux qui auront tenu ces audiences. Donc c'est la cour d'assises elle-même, sans jury, qui jugera que les comptes rendus sont infidèles. C'est ce qui était prévu en 1822, c'est tout ce qui est toujours applicable sous la monarchie de Juillet. Autrement dit, les juges sont en même temps partis. Ce sont eux qui décident que les comptes rendus ont été inexacts. Et c'est ainsi que la presse d'opposition se trouve muselée. Il y a moyen d'interdire aux journaux d'opposition de publier les comptes rendus des séances des chambres et des affaires judiciaires, ce qui est le moyen habituel de donner la publicité à leur cause. Et la première affaire qui permet de condamner le National de cette manière, c'est une affaire du coup de pistolet. C'est un coup de pistolet qui a été tiré sur Louis-Philippe, sur le Pont Royal, alors qu'il se rendait des Tuileries à la Chambre des députés. On a arrêté un étudiant en droit. C'était peut-être une provocation de police. En tout cas, l'accusé, cet étudiant en droit, sera acquitté par la cour d'assises le 18 mars 1833. Mais dès le lendemain, la même cour d'assises condamne le gérant du National en raison d'un article rendant compte du procès quelques jours plus tôt, un article qui est jugé de mauvaise foi et infidèle. Et le gérant du National, Paulin, est condamné à un mois de prison et 5000 francs d'amende et à l'interdiction de rendre compte pendant 2 ans des débats judiciaires. C'est une façon de détruire un journal. Un mois de prison et 5000 francs d'amende, c'est pas grand-chose, mais l'interdiction de rendre compte des débats judiciaires, si on regarde les journaux de l'époque, la moitié de la surface est occupée par les comptes rendus des tribunaux. Interdiction de rendre compte des tribunaux. Et cela est la naissance d'une affaire judiciaire qui va durer 2 ans. Toutes les années 1833 et 1834, une immense jurisprudence, puisque ce jugement est cassé par la Cour de cassation pour excès de pouvoir et renvoyé au tribunal de Versailles. Le tribunal de Versailles juge comme le tribunal de Paris, mais c'est de nouveau cassé par la Cour de cassation en octobre 1833. Et pendant que c'est cassé, Carrel continue à publier les comptes rendus des tribunaux. Et finalement, à la fin de 1833, comme c'est toujours en cours, cette affaire, que décide de faire Carrel ? Il décide d'interrompre le journal Le National. Le journal National cesse au 31 décembre 1833 et on crée un nouveau journal intitulé Le National de 1834. Le National de 1834 commence avec un nouveau gérant le 1er janvier 1834 et toute l'année 1834 sera occupée en procès pour savoir s'il s'agit du même journal ou d'un journal différent. La Cour d'assises de Paris juge d'abord que c'est le même journal. Mais c'est cassé par la Cour de cassation qui juge que le dépôt du nouveau journal a été fait dans les règles et qui renvoie à la Cour d'assises de Rouen. Mais la Cour d'assises de Rouen dit que c'est le même journal. Parce que si un journal s'était lancé sous le nom de National de 1834, le National aurait pu les poursuivre et aurait gagné. Donc c'est le même journal. Et tout ça traîne à travers toute l'année 1834. Carrel continue à publier les comptes rendus de journaux jusqu'au moment où finalement ça arrive en cassation et c'est réglé le 30 août 1834 ce long feuilleton s'interrompt, tous les recours sont épuisés, le combat est perdu et toutes les condamnations de Carrel qui se sont accumulées, eh bien, il faudra bien à ce moment-là aller en prison. Il a été condamné en mai 34 à 2 mois de prison, en août 34 2 fois à 2 mois, soit à 6 mois de prison en tout, et les recours sont épuisés. Voilà Paulin, le gérant du National, qui lui a été condamné à 1 mois de prison et 5 000 francs d'amende. Il n'a plus de recours. Voilà Carrel qui, le 30 août, condamné à la prison en Angleterre, et il passera 1 mois en Angleterre, sans qu'on sache très bien s'il s'agit d'un exil ou d'une petite vacance avant d'en revenir en prison, que ce séjour d'un mois. Et puis Carrel, à son retour d'Angleterre, écrit au préfet Gisquet, le même préfet qui est dans toute cette période de répression, et à qui il écrit cette lettre particulièrement violente. « Monsieur, pendant que je voyageais en Angleterre, un arrêt de cassation a rendu exécutoire plusieurs condamnations portées contre moi par le soi-disant justice du royaume, et je sais que l'ordre de me faire saisir et déposer à Sainte-Pélagie vous a été immédiatement expédié. Je subirai donc aussitôt qu'il vous conviendra cette détention qui ne peut déshonorer que mes juges, étant prononcée en violation de toutes les lois existantes. » Et ce sens de l'honneur. « Une seule crainte me retiendrait au moment d'entrer à Sainte-Pélagie, s'il était possible que j'ajoutasse un instant foi au bruit dans lequel se complaisent quelques opinions bienveillantes, cette crainte, ce serait de sortir de prison par amnistie royale. » Donc il refuse a priori toute amnistie, vous voyez, ce sens de l'honneur et de la hauteur du personnage. Et voici donc, dans un livre qui recense en 1850, après la fin de la monarchie de Juillet, toutes les condamnations pour délit de presse de la monarchie de Juillet, la fiche de Carrel, et vous voyez qu'il est condamné à 2 mois de prison et 2 000 francs d'amende, délit prévu par la loi du 25 mars 1822, c'est-à-dire la publication des comptes rendus des tribunaux, 2 mois pour la même raison. Il est donc condamné à 6 mois de prison en 1834. Il séjournera 6 mois et l'apothéose de d'Armand Carrel, le sommet de sa gloire, a lieu au cours de son séjour à Sainte-Pélagie, et c'est à cela que je voudrais d'abord consacrer un moment. Au cours de ce séjour en prison, il fait un discours, et c'est son plus grand discours, le plus célèbre, devant la Chambre des Pairs, le 16 décembre 1834. De quoi s'agit-il? Pourquoi fait-il un discours à la Chambre des Pairs alors qu'il est emprisonné à Sainte-Pélagie? Eh bien, tout simplement parce que c'est le procès des accusés d'avril. Vous vous souvenez, avril 1834, ce sont les grandes insurrections, hein, les Canuts à Lyon et la rue Transnonain à Paris, célèbre avec Daumier. À la suite de ces insurrections d'avril 1834, une commission d'enquête se réunit à la Chambre des Pairs. La Chambre des Pairs est transformée en Cour des Pairs, en tribunal d'exception, en haute cour de justice, pour juger les plus importants des accusés des insurrections d'avril, 184 sur les 2000 inculpés. Et le rapport, c'est un immense rapport que vous pouvez consulter, que j'ai consulté sur le site du Sénat, très bien fait, où nous avons ces immenses 5 gros volumes in quarto qui recueillent 4000 témoignages et 17 000 pièces. Et le premier de ces 5 volumes est le rapport qui a été lu à la Chambre des Pairs le 24 novembre 1834 et les jours suivants, après 7 mois de travaux, rapport qui est lu par l'un des pairs, Giraud de Lain, qui est ce que Carrel appelle, comme je le signalais de cette expression intéressante, un républicain de fait. Vous vous souvenez qu'il opposait les républicains de fait au républicain de sentiment et d'opinion. Le républicain de fait, c'est ce que d'autres appellent les girouettes, c'est-à-dire ceux qui ont servi tous les régimes successifs depuis le directoire en mettant la chose publique au-dessus des souverains. Giraud de Lain a servi l'Empire, la première Restauration, les 100 jours, a été réintégré dans la magistrature, a été préfet de police en 1830, pair de France en 1832, et il est président du Conseil d'État et pair de France lorsqu'il lit son rapport. Que fait Carrel ? Il écrit un article dans le National, un article non signé, comme ces articles politiques, le mercredi 10 décembre 1834, et c'est un article qui met en question la compétence de la Cour des Pairs, vestige de la Restauration, pour juger les inculpés d'avril 1834. Et c'est sans doute l'article le plus violent de Carrel, Carrel qui, je vous le rappelle, est en prison à Sainte-Pélagie et qui est en prison avec les inculpés d'avril 1834. Donc cela peut expliquer le ton plus excessif qu'à l'habitude. Il y aurait un beau chapitre, dit-il, à faire sur les raisons qui rendent cette Chambre des Pairs incompétente pour juger les prévenus d'avril. Et il décrit cette Chambre que la Révolution de juillet a traitée elle-même en prévenus, qu'elle a dépouillé de son hérédité. Ils ont perdu leur hérédité après la campagne de Carrel, précisément, privée de ses plus importantes prérogatives, qu'elle a traduites à la barre de la démocratie, qu'elle a renvoyée à demi convaincue de complicité avec la Restauration, qu'elle fait trembler tous les jours en lui redemandant le maréchal Ney, juridiquement assassiné par ses émigrés, ses hommes de gang et ses renégats de la Révolution, parvenus de l'ordre civil et militaire. Cette Chambre des Pairs qui a condamné le maréchal Ney en 1815, pair de France de la première Restauration, rallié aux 100 jours, arrêté par Decazes en août 1815, jugé coupable par la Chambre des Pairs, puisqu'il était un pair, et fusillé le 7 décembre 1815. La condamnation du maréchal Ney, c'est l'équivalent, disais-je, je crois, un jour, c'est la honte de la Restauration, c'est l'équivalent de la condamnation du duc d'Enghien, selon Chateaubriand. C'est cette cour que l'on appelle dans les journaux d'opposition cette cour de pair négicide, celle qui a tué Ney. Il y a donc une grande violence de ce texte de Carrel contre les pairs qui continue ainsi. Non, aux yeux de l'éternelle justice, aux yeux de la postérité, au témoignage de leur propre conscience, les vieux sénateurs de Bonaparte, ces maréchaux tarés, les procureurs généraux, les ennoblis de la Restauration, ces trois ou quatre générations de ministres tombés sous la haine et le mépris public et couverts de notre sang, tout cela rajeuni de quelques notabilités jetées là par la royauté du 7 août, à la condition de n'y jamais parler que pour approuver, tout cet ensemble de servilités d'origine si diverses n'est pas compétent à prononcer sur la culpabilité d'hommes accusés d'avoir voulu forcer les conséquences de la Révolution de juillet. Bon, voilà la contestation de la compétence de la Cour qui peut être jugée injurieuse et offensante pour les pairs. L'article se terminait ainsi. On pense bien que nous ne pouvons pas laisser passer ce ramas d'hérésie constitutionnelle, de violation de tous les principes de droit criminel admis chez les peuples civilisés, ces sophismes niés, ces vieilleries de justice prévotale, ces âneries de Bridoison, personnage de Beaumarchais ou le juge Bridois du tiers-livre de Rabelais, conseiller de chambre étoilée, sans les accabler de l'inexprimable dégoût de tous les cœurs honnêtes que tous les esprits éclairés éprouveront à une telle lecture, il n'est pas besoin d'indiquer l'objection de sens commun, de vérité, de pudeur qui naît à chaque phrase de cette indigne rhapsodie. C'est l'article donc le plus violent de Carrel que Louis Blanc, même dans son histoire de 10 ans, juge injurieux à l'excès et où il ne reconnaît pas le style habituel plus modéré. Vous vous souvenez de ce que disait Stendhal dans Lucien Leven? Carrel inquiétait le château par sa modération, justement. Ce n'est pas le cas cette fois-ci, mais encore une fois, c'est écrit en prison au milieu des républicains d'avril 1834, ces républicains qui ne sont pas ceux du national, mais ceux de la tribune. Le Collège de France et France Culture vous présente Antoine Compagnon, aujourd'hui, le moment de gloire d'Armand Carrel. Le lendemain de la publication de ce texte, le 11 décembre, eh bien, il y a un discours à la Chambre des Pairs du comte Philippe de Ségur. Philippe de Ségur, j'ai parlé de lui l'année dernière, c'est un général, c'est un historien. J'ai parlé de son histoire de Napoléon et de la Grande Armée, de la retraite de Russie, de la campagne de Russie, dont vous vous souvenez peut-être que ce livre avait choqué un fidèle de Napoléon, le général Gourgaud, et qu'il avait été suivi d'un duel, et j'en avais parlé à propos des duels. Eh bien, ce comte Philippe de Ségur invoque l'article 15 de la loi du 25 mars 1822, toujours cette loi de la Restauration, qui permet aux cours ou aux chambres de juger elles-mêmes ceux qui les offensent ou les injurient. Il invoque cet article qui laisse aux chambres le droit de poursuivre elles-mêmes, à la fois parties et juges, ceux qui les offensent, au lieu de les renvoyer devant les tribunaux ordinaires. La Chambre des Pairs est présidée par le baron Pasquier, autre républicain de fait, puisqu'il a été préfet de police sous l'Empire, président de la Chambre des députés sous la Restauration, et que maintenant il est président de la Chambre des Pairs sous la Monarchie de Juillet. Un peu plus tard, il deviendra duc, le duc Pasquier, et il deviendra chancelier de France. Louis-Philippe lui donnera ce titre, il est le dernier chancelier de France. Bon, c'était un homme pour qui jusqu'ici j'avais un faible, un peu coupable, dont je dois m'expliquer. Je le voyais comme un vieux monsieur. En fait, il était plus jeune que moi aujourd'hui. Bon, je le voyais comme un vieux monsieur inoffensif et débonnaire à cause de Proust et à cause de la comtesse de Boigne, puisqu'il était le vieil ami de la comtesse de Boigne, modèle de Madame de Villeparisis, et que Pasquier, vieil amant de la comtesse de Boigne, est donc l'un des modèles de Norpois. J'avais donc un faible pour lui, et vous vous souvenez que le grand-père du narrateur, au tout début du côté de chez Swann, est très curieux de Swann lorsqu'il apprend que Swann fréquente chez les ducs, et en particulier chez des descendants des hommes les plus en vue de la monarchie de Juillet, dans cette lignée orléaniste, et il est très intéressé à entrer, grâce à Swann, dans la vie privée, comme Molé, comme le duc Pasquier, comme le duc de Breuil. Il fut enchanté d'apprendre que Swann fréquentait des gens qui les avaient connus. Et un peu plus tard, si vous vous souvenez, dans Albertine disparue, lorsque le narrateur évoque Sainte-Beuve écrivant ses lundis dans le Constitutionnel, il imagine le Constitutionnel arrivant au petit matin dans la chambre de la comtesse de Boigne, et il dit, sans doute le chancelier, le lisant de son côté, en parlerait à sa vieille amie dans la visite qu'il lui ferait un peu plus tard. Bon, j'étais sous l'influence de Proust dans mon indulgence pour Pasquier, mais voici comment il était caricaturé dans la caricature, justement, le 25 décembre 1834, après le procès du National, sous le titre, et c'est Louis-Philippe, bien sûr, « Caligula fit son cheval président du Sénat ». Et vous voyez ce président Pasquier, président qui porte encore un N napoléonien et qui a la bride royale. Voilà le Pasquier auquel nous avons affaire aujourd'hui, et c'est celui qui, comme président de la Chambre des Pairs, dirigea tous les procès politiques de la monarchie de Juillet de 1830 à 1848, et il est donc abondamment présent maintenant dans les archives du Sénat accessibles en ligne. Il lit donc, Pasquier, ses articles dans le cas d'offense envers les chambres, la chambre offensée, sur la simple réclamation d'un de ses membres, pourra, si mieux elle n'aime autoriser les poursuites par la voie ordinaire, ordonner que le prévenu sera traduit à sa barre. Elle peut faire comparaître immédiatement le prévenu d'offense devant elle. Bon, sais-tu, cela vient du Parlement anglais, mais j'y reviendrai. Dans le Parlement anglais, on use beaucoup plus libéralement de cette possibilité. Une seule opposition est prononcée, et là aussi c'est très intéressant. Un seul pair, en décembre 1834, s'oppose à la traduction du gérant du National devant la Chambre des pairs dès le lendemain. C'est le vicomte du Bouchage. Le vicomte du Bouchage, lui, c'est un ami d'enfance de Stendhal. Il est de Grenoble, il est pair de France, et voici ce que Stendhal... Bon, il est pair qui a été nommé à la succession de son oncle, ministre de Louis XVI et de Louis XVIII. C'est un ultra farouche. Voici ce que Stendhal dit de lui dans « La vie de Henri Brûlard », sorte de filou ou d'emprunteur peu délicat. Je pense qu'il a fait plusieurs faillites. Aujourd'hui, pair de France ruiné, ajoute Stendhal, ex-ultra par l'âme. Ex-ultra sous la Restauration, mais sous la monarchie de Juillet, toujours ultra, mais libéral en matière de presse. Et il est donc le seul à s'opposer à ce que la Chambre des pairs s'apprête à faire, et il s'écrit « En 1830, lorsque nous fut présentée la loi dont M. de Ségur nous conseille aujourd'hui l'usage, je combattis vivement ce projet. L'article 69 de la Charte, qui venait d'être promulgué, attribue exclusivement au jury la connaissance des délits de la presse et des délits politiques. Un jury de cour d'assises. Et c'est là où Carrel est toujours acquitté. La Charte n'avait mentionné aucune exception à ce principe que l'on devait désormais regarder comme fondamental. Autrement dit, c'est un jury populaire qui juge les délits de presse et les délits politiques dans ces débuts libéraux de la monarchie de Juillet. Et du Bouchage considère que c'est dangereux, c'est une dangereuse prérogative de faire comparaître ces prévenus devant la Chambre. Et d'ailleurs, la Chambre des députés, c'est la première fois que la Chambre des pairs va utiliser cette possibilité, la Chambre des députés l'a déjà utilisée, mais, dit-il, ça n'a pas rendu la presse moins audacieuse. Et cela n'a donc rien changé. Bon, il est mis en minorité, il y a seulement 4 ou 5 voix pour s'opposer à cette mesure. Et sous la monarchie de Juillet, c'est donc la première application de cet article 18 de 1822 par la Chambre des pairs. Dès le lendemain, le 12 décembre, le gérant du National, puisque l'article n'est pas signé, Rouen, comparé, traduit devant la Chambre des pairs, et il y a un Pasquier, le vieux Pasquier, chaque fois qu'il parle du national, fait un lapsus. Au lieu de l'appeler le national de 1834, vous vous rappelez qu'il s'appelle le national de 1834 parce qu'il a changé de titre pour essayer d'éviter les condamnations. Il dit à chaque fois le national de 1814. Il est encore dans la première restauration ou dans l'Empire, ça soulève des sourires. En tout cas, Rouen, le gérant du national, demande à être assisté par Carrel, qui est incarcéré à Sainte-Pélagie. Cela lui est accordé, et le grand moment dans, comment dire, la gloire de Carrel aura lieu le mardi 16 décembre 1834, lorsqu'il viendra défendre le gérant du National devant la Chambre des Pairs. C'est un grand événement parisien. Voici comment la presse en rend compte. Longtemps avant midi, les tribunes commençaient à se remplir. Celle des journalistes est envahie par toutes les notabilités qui ne peuvent se faire place ailleurs. À peine leur laisse-t-on l'espace dont ils ont besoin. Dans l'une des tribunes de droite, on remarque Lord Brougham et quelques étrangers de distinction. Lord Brougham, c'est l'ancien chancelier libéral du Royaume-Uni. Il a été Lord Chancelier à Londres jusqu'en juillet 1834. Il vient d'être chassé. Il est l'auteur du Reform Act de 1832 et il est en route pour l'Italie afin de soigner sa fille malade de tuberculose. En chemin, il s'arrêtera à Cannes et c'est lui qui promeut Cannes comme villégiature d'hiver en 1834. Il ne peut pas rejoindre l'Italie à cause d'un choléra. Donc il est bloqué à Cannes, ce qui fera la fortune de Cannes. En tout cas, il est là. Personnage, vous voyez qu'il est curieux, puisqu'il est le Lord Chancelier. Il a présidé longtemps la Chambre des Pairs à Londres. Lord Brougham avec quelques étrangers de distinction. À midi, Monsieur le Président Pasquier arrive et monte à son fauteuil. Presque en même temps et par une porte opposée, Monsieur Dupin aîné. Dupin aîné, c'est le président de la Chambre des députés. C'est le procureur général près la Cour de cassation, puisqu'il y a beaucoup de cumuls durant cette période, était officieusement introduit. Donc vous voyez que tout Paris vient assister au discours de Carrel. Quelques pairs vont le saluer, il s'assied dans le couloir à droite. Ironiquement, très ironiquement, ce discours de Carrel du 16 décembre 1834 a lieu 3 jours après le discours de réception de son ancien meilleur ami, Adolphe Thiers, à l'Académie française. Thiers a été élu à l'Académie française et a prononcé son discours le samedi 13 décembre. Son ancien collaborateur, fondateur du National avec lui en 1830, aujourd'hui ministre de l'Intérieur, celui qui a réprimé les émeutes d'avril 1834 et notamment la rue Transnonain. Voici comment on rencontre dans la Revue de Paris de cette réception de Thiers à l'Académie française. On remarquait à cette solennité académique, vous verrez que ce sont les mêmes, le prince de Talleyrand, Monsieur Guizot, Monsieur Dupin et Lord Brougham. Il est à Paris, on ne manque aucun de ces événements parisiens quand on est là. À Lord Brougham, l'homme d'État anglais, nous donnons cet avis charitable qu'à Paris, ce pays des hommes capricieux et goguenards, il n'y a pas de position pire à prendre que celle d'inévitable. Lord Brougham est partout accroché à la robe de Monsieur Dupin. Mardi dernier, Monsieur Armand Carrel défendait éloquemment devant la Chambre des Pairs les intérêts du national et la liberté de la presse. Lord Brougham était là. Si Lord Brougham a le malheur d'aller 3 fois à l'opéra et d'y être remarqué, il passera à la condition de D d'Alger. L'inévitable Brougham aux événements parisiens comme le D d'Alger. Le D d'Alger à l'opéra, c'est un épisode célèbre de 1831, le dé d'Alger, ex-dé d'Alger, chassé en 1830, lors de la conquête de l'Algérie, séjourne à Paris en septembre 1831. Et que fait-il à Paris? Il va tous les soirs à l'opéra. Et la journée, il la passe à assister aux séances de l'Assemblée nationale avec M. Dupin. Très curieux de tout cela. Carrel prononce donc ce discours, je dirais le plus important de sa carrière, à la Chambre des Pairs. Et que fait-il ? Eh bien, il dénonce, comme il l'avait déjà fait dans son article, l'incompétence de la Chambre des Pairs pour juger des prévenus d'avril. Et il cite avec perfidie les articles que Thiers écrivait en 1830, avant la Révolution, dans Le National, avec lui, Thiers et Migné, qui sont aujourd'hui des grands hommes du régime. Et c'est Migné qui écrivait en 1830 de la Chambre des Pairs qu'elle était la retraite des députés émérites, le prix de toutes les complaisances, l'hôpital de tous les blessés du pouvoir. Tandis que Thiers, aujourd'hui ministre de l'Intérieur, disait que les pairs n'ont d'autre soin que d'observer la fortune pour voir de quel côté elle se décidera à passer. Suivant l'orateur, hein, la violence de ces attaques émanée de Migné, aujourd'hui conseiller d'État, Thiers, ministre de l'Intérieur, n'a pas depuis été dépassée. Que fait-il encore ? Eh bien, il se réclame de Lord Brougham, l'ancien chancelier du Royaume-Uni. « Notre cas, dit-il, n'est nullement celui qui avait amené il y a quelque temps un journaliste anglais à la barre des lords d'Angleterre. Le chancelier de la Réforme, le Reform Act libéral de 1832, Lord Brougham, tous les regards se portent sur la tribune où se trouve l'illustre étranger, avait été nominativement accusé d'une action indigne de lui. Il se prévalut de sa qualité de membre de la Chambre haute pour exiger, en présence de la Chambre même dont il est une des lumières, le désaveu de la calomnie publiée contre lui. Je ne sais si vous vous souvenez, messieurs, de quelle forme noble, protectrice et rassurante pour le journaliste anglais, la Chambre des Lords entoura la citation délivrée sur la plainte du chancelier. Le désaveu du journaliste fut complet et volontaire. Autrement dit, le journaliste fit des excuses publiques à la Chambre des Pairs. Lord Brougham fut satisfait, je ne dis pas vengé. Autrement dit, le journaliste ne subit qu'une réprimande de la Chambre des Lords britannique. Et puis a lieu un grave incident, l'incident au cours duquel Carrel évoque le maréchal Ney. À ce nom, je m'arrête, par respect pour une glorieuse et lamentable mémoire. Je n'ai pas mission de dire s'il était plus facile de légaliser la sentence de mort que la révision d'une procédure inique. Les temps ont prononcé. Aujourd'hui, le juge a plus besoin de réhabilitation que la victime. Le juge a plus besoin de réhabilitation que la victime, la Cour des Pairs que Ney. Monsieur le Président se lève et dit, Pasquier, défenseur, vous parlez devant la Chambre des Pairs, il y a ici des juges du maréchal Ney, dire que les juges ont plus besoin de réhabilitation que la victime, c'est une expression, prenez-y garde, qui pourrait être considérée comme une offense. Je vous rappellerai que le texte de la loi dont j'ai eu l'honneur de vous donner lecture serait aussi bien applicable à vos paroles qu'à l'article dont M. Rouen est ici responsable. Lui aussi peut être jugé par la Cour des Pairs. Et évidemment, Carrel dit, il reprend la parole et il dit « Si parmi les membres qui ont voté la mort du maréchal Ney et qui siègent dans cette enceinte, il en est un qui se trouve blessé de mes paroles, qu'il fasse une proposition contre moi, qu'il me dénonce à cette barre, j'y comparaîtrai. Je serai fier d'être le premier homme de la génération de 1830 qui viendra protester ici, au nom de la France indignée, contre cet abominable assassinat. » Bon, il y a un brouhaha terrible dans la Chambre des Pairs, hein, au palais du Luxembourg, des bravos, bravos dans la tribune, enthousiasme parmi les spectateurs. Monsieur Pasquier, dominant le bruit des applaudissements, défenseur, je vous retire la parole. Mais le général Excellence se lève, comme emporté par le besoin d'une conviction profonde, s'écrie « Je partage l'opinion du défenseur. Oui, la condamnation du maréchal Ney a été un assassinat juridique, je le dis, moi. Le maréchal, le général, il n'est encore que général à ce moment-là, Excelmans, ben lui aussi, il a traversé tous les régimes. C'est un soldat de la Révolution, un officier de l'Empire. Il a traversé les 100 jours, la Restauration. Il a été nommé comme père viager en 1831 pour faire une majorité contre l'hérédité. Et à la Chambre des pairs, il est de ceux qui ne parlent jamais. Et il deviendra, après cette sortie, l'homme à la phrase. Seule phrase qu'il ait prononcée à la Chambre des pairs. En tout cas, Carrel, eh bien, la parole lui est retirée après cet incident, mais c'est un incident célèbrissime dans l'histoire de la Chambre des pairs. Il ne peut terminer son discours. Le gérant du National, Rouen, est déclaré coupable par 138 boules blanches contre 15 noires seulement. Et il faut maintenant décider la peine. Or, le texte de la loi prévoit de 1 mois à 3 ans de prison et de 200 à 10 000 francs d'amende. Le vicomte du Bouchage, ultra-libéral, intervient de nouveau et il plaide pour le minimum, puisqu'on ne peut pas, comme dans la Chambre anglaise, se contenter d'une réprimande. Et il dit ceci, « C'est devant vous que vous vouliez faire comparaître le gérant du National de 1834, mais ce n'est pas pour vous venger. La Chambre est au-dessus de la vengeance. Vous voulez seulement rappeler l'opinion au respect qui est dû au premier corps de l'État. Quel moyen plus sûr, messieurs, que la clémence ? Il y a peu de temps, vous voyez qu'on fait de nouveau référence à Lord Brougham, présent. Il y a peu de temps, un Lord d'Angleterre avait été offensé. Il ne se crut pas atteint lui-même, mais pensant qu'il avait été porté atteinte à l'honneur du corps politique dont il faisait partie, il fit traduire le journaliste à la barre. Et là, Lord Brougham demanda grâce pour lui. Imitez sa clémence, c'est le moyen de vous anoblir. Je propose à la Chambre de voter la peine la plus légère dans la malheureuse impossibilité où elle se trouve de ne voter qu'une simple réprimande. La peine la plus légère, 1 mois de prison, 200 francs d'amende. Ben, ce n'est pas ce qui se passera. Rouen est condamné à 2 ans de prison, le maximum est 3 ans, et 10 000 francs d'amende, ce qui est le maximum possible. Tous les pairs ne seront pas très satisfaits de cette décision et certains protesteront contre la solidarité dont Pasquier les a chargés à propos du jugement de Ney. En tout cas, l'amende est immédiatement couverte par une souscription nationale. Une souscription nationale est lancée dès le lendemain pour payer l'amende sous le titre de protestation contre l'assassinat du maréchal Ney. Et tous les officiers du régiment de Lucien Leven contribuent au paiement de cette amende du National. C'est donc le sommet de la notoriété de Carrel, et je crois que cela vaut bien le discours de réception de Thiers à l'Académie française 3 jours plus tôt. Il est admiré au-delà des clivages politiques, et la rumeur voudrait que le duc d'Orléans, prince héritier, ait souscrit en secret à la souscription nationale destinée à payer l'amende. Et voici la caricature de la caricature qui est publiée le 1er janvier 1835 à la suite de cette décision de la Chambre des pairs. La Chambre des pairs est ainsi représentée comme cette femme qui est à la fois juge et partie et qui compte la recette, le prix auquel elle a estimé elle-même sa considération. Donc c'est bien ça, le grief, c'est cette chambre qui est à la fois juge et partie, et vous voyez que cette chambre, elle a été nommée par le directoire, l'Empire, la Restauration, le système, et que d'un côté, il y a ce qu'elle a amassé avec la condamnation de Ney, et de l'autre, ce qu'elle amasse avec la condamnation du National de Carrel. L'article du Charivari conclut en disant qu'elle serait moins embarrassée dans sa comptabilité si elle devait supputer ce que le procès lui avait rapporté d'honneur. Voilà donc un moment très intéressant, mais j'ajouterai que c'est la fin pour Carrel, puisque au-delà de cette gloire devant la Chambre des Pairs, eh bien, il sera régulièrement condamné et poursuivi en 1835 à la suite de l'attentat de Fieschi, hein, le 28 juillet 1835, hein, cet attentat contre Louis-Philippe. Le roi se rendait à la Bastille le 28 juillet pour célébrer l'anniversaire du 28 juillet 1830. Et une machine infernale, une bombe est jetée depuis un immeuble lorsque le cortège royal passe sur le boulevard du Temple, et cela fait 19 morts. Nouvelle répression sévère du régime dans les jours qui suivent. Carrel est de nouveau arrêté. Dès le lendemain, à 4 heures du matin, il est arrêté, interrogé à la préfecture, et il est incriminé pour un article du 28, du 28 même, jour de l'attentat, puisque la thèse voudrait que ce sont les articles des journalistes qui ont excité les conspirateurs à l'attentat. Voici ce que dira l'autre nouveau rapport de la Cour des Pairs consultable sur le site du Sénat. Sans doute, tous les hommes qui se vantaient naguère de leurs opinions républicaines désavouent unanimement l'attentat du 28 juillet et ses auteurs. Ils ont toujours protesté qu'ils tendaient à leur fin par des voies d'une nature bien différente, qui n'avaient en vue que ces révolutions pacifiques qui s'opèrent par la persuasion et le progrès de l'opinion. Mais peuvent-ils donc oublier qu'il est impossible de propager des doctrines éversives de l'ordre établi sans provoquer de vives résistances, que des discussions en passent bientôt au combat, qu'à l'esprit de propagande ne tarde pas de succéder l'esprit d'intolérance et de persécution qui dicte des crimes pour assurer le triomphe des convictions qui l'imposent et qui transforment bientôt en crimes les convictions opposées aux siennes. Autrement dit, les journalistes d'opposition sont jugés responsables indirectement des attentats contre Louis-Philippe, et Carrel est mis à Sainte-Pélagie de nouveau, interrogé dans les jours qui suivent, remis en liberté le 4 août. Il n'y aura pas de charge contre lui, mais les lois de septembre 1835 sont en préparation, hein, les lois de septembre 1835 qui sont fameuses pour en finir avec la liberté de la presse sous les débuts de la monarchie de Juillet. Ce sont un ensemble de mesures qui paralysent la presse d'opposition. Le cautionnement des journaux est élevé à 100 000 francs. La souscription est interdite pour payer les amendes, ce qui a été permis donc dans le cas du National. Et puis la censure préalable est introduite pour les caricatures. Pour tous les dessins et les lithographies, le journal, la caricature, est obligé de fermer. C'est une loi qui est ni préventive, ni répressive, mais elle est qualifiée dans l'exposé de ses motifs comme une loi suppressive. Il s'agit de supprimer la possibilité de l'opposition. Et n'oublions pas, c'est cette loi de septembre 1835 qui permet l'éclosion des nouveaux journaux commerciaux. La presse et le siècle, les journaux modernes, feuilletons et publicités, qui commencent en juillet 1836. Parce que les journaux d'opinion, les journaux politiques sont éliminés. Je reviens à la prison après cet épisode glorieux. Carrel est donc en prison à Sainte-Pélagie pendant 6 mois, d'octobre 1834 à d'avril 1835, puis de nouveau quelques jours en juillet 1835 et août 1835, après l'attentat de Fieschi. Lorsqu'il arrive en prison, il vient d'y avoir une révolte des prisonniers politiques qui sont là depuis avril. Il bénéficie néanmoins d'un régime de faveur et il reçoit Chateaubriand et Béranger qui lui rendent sans cesse visite. Et vous l'avez vu, il continue de publier des articles dans le National. Les deux chefs des Républicains en prison, ce sont les chefs du journal rival du National, la Tribune, journal qui est beaucoup plus radical et extrême. Et il faut ajouter que, juste après le départ de Carrel de la prison, aura lieu la plus fameuse évasion de Sainte-Pélagie, puisque 27 des principaux accusés des émeutes d'avril s'évaderont de Sainte-Pélagie le 12 juillet 1835 par un souterrain, un long souterrain, qui aboutit au jardin d'une maison de la rue Copeau, aujourd'hui la rue Lacépède. Je crois que je vous avais décrit l'an dernier l'emplacement de Sainte-Pélagie qui était à côté de l'actuelle mosquée de Paris, tout près du Jardin des Plantes. C'est un ensemble d'immeubles qui est entre la rue du Puy-l'Hermite et la rue Lacépède aujourd'hui. Eh bien, les Républicains ont réussi à creuser un souterrain qui va jusqu'au jardin. Il y a encore des jardins maraîchers dans ce quartier. Et en vérité, Adolphe Thiers, ministre de l'Intérieur, n'est pas mécontent de cette fuite, puisque les chefs républicains filent en Belgique et en Angleterre, et que ça évite un procès devant la Chambre des Pairs qu'ils auraient transformé en tribune républicaine. Lorsque le directeur de la prison, le jour de l'évasion, la nuit de l'évasion, se rend à la préfecture de police pour avertir le préfet de police, Gisquet, dont j'ai parlé, qui a laissé ses mémoires, s'écrie « Tant mieux ». Tant mieux, on est débarrassé d'eux. Et dit-il, c'est d'ailleurs qu'ils aient pu creuser un souterrain pour s'évader, c'est la preuve qu'on les traitait libéralement, puisqu'ils n'étaient pas enfermés dans leurs cellules. Et Carrel bénéficie d'ailleurs d'un régime assez libéral, puisqu'il écrit en février 35 dans une lettre « Le préfet de police a donné l'ordre, sans que je l'aie demandé, qu'on me laisse sortir toutes les fois que j'en aurai besoin sans demander de permission. J'userai fort discrètement de la liberté grande. » Ça nous montre ce qu'était ce régime très étrange, tout de même, de cette monarchie de juillet, où lorsque Carrel est extrait de Pélagie pour faire un discours à la Chambre des Pairs, tout Paris est là, hein, et lorsqu'il est en prison, il a le droit de sortir quand il veut. C'était les cours du Collège de France les 6 et 13 février 2018. Vous venez d'écouter le cours d'Antoine Compagnon, aujourd'hui, le moment de gloire d'Armand Carrel. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Antoine Compagnon. Je rappelle son dernier livre, Les Chiffonniers de Paris, publié chez Gallimard en 2017. Un grand merci à Annie Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons aux côtés d'Antoine Compagnon l'évocation du grand journaliste politique Armand Carrel et il sera question des duels. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.